Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Bonjour à vous. Bienvenue dans ce... Alors, c'est l'enregistrement numéro 7, c'est ça ? 7.1, oui. 7.1, déjà. 7.1 de l'apéro original. Ici, qui présente présentement Gandalf81 sur Twitter. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2017, parce que cet épisode sortira en janvier, voilà. Et puis c'est bien, on sera le 20, donc on a encore le droit de dire bon année à tout le monde. On a le droit, ouais, de la part de toute l'équipe, mais vous verrez qu'aujourd'hui l'équipe a été agrandie. Enfin, agrandie... comme ma vie. Pas au niveau de leur... Sinon tu as dit élargie, mais du coup... Oui, tout à fait, c'est ça. Bon, bah voilà, une minute, explicite. Et c'est pas tout à fait moi. Alors, ah bon, oui. Bah attends, et après. Alors déjà, maître de maison, bien évidemment, qui héberge tous nos podcasts, qui fait tout l'audio, qui se fait chier comme un damné pour rajouter qu'on spoil comme des tordus, Docteur Who. C'est notre face qu'il a nous. C'est notre face qu'il a nous, voilà. Ah, oh, c'est gentil, ça. Oui. Je sais pas comment lui, il doit le prendre. On est tordus. Donc c'est bien sûr Azertov, voilà. C'est moi, salut. Ça va? Il est là, il est bien, alors... Je bouge plus non plus. Ta résolution 2017? Ah putain Quand ça, deux putains blancs. Allez, salaud. Deux putains blancs. C'est rare, pourtant, les putains. Non, non, c'est pas raciste, c'est soit bien blanc, c'est tout. Pardon. Continuez sur ma lancée. Ah voilà. C'est-à-dire que si tu vas vers le précipice, ça... J'irai plus vite. Voilà. Bon, c'est un panne, ça va. Donc après, notre mafia 81, toujours là aussi, toujours présent, donc Asto. Salut. Alors, ta résolution 2017, récupérer le compte @Asto, peut-être. Oui, récupérer le compte @Asto, parce que j'en ai marre de Asto 81. Oh. Voilà, je veux sortir de la mafia. Ah, tu veux te désolidariser. Je veux me désolidariser de la mafia et récupérer le compte @Asto, qui existe depuis 2009 et qui n'a jamais tweeté. Oh, qui n'a rien, voilà. Qui est un compte vide. Quel mal autru. Est-ce que c'est un compte vierge? Mon Dieu. Donc, premier bide. Ça va être très dur. Et on n'a pas encore vu. Voilà. On n'a pas ouvert les bières. Après, à côté, ben, déjà quelqu'un qui est venu parmi nous, qui fait déjà partie de la secte, on peut dire. Ouais, j'en suis pas à mon coup d'essai, mais ouais. Je suis un agent. comme dirait l'autre, ce n'est pas mon premier rodéo. Non, voilà, donc c'est We Wish. Alors, tu étais déjà Bonjour. Venu. Tu étais venu pour la session au numéro 4. 4, ouais. Voilà, c'est ça. Déjà, c'était long. Il y a longtemps. Ça date. Ouais. C'était il y a un an et demi. Non, quand même pas. Le 4, non. Non. Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tu en as le 6. Le 4, c'était début d'année. Fin d'année. Oui, tous les 3 mois, oui. Donc ça fait 9 mois. Parce que là, on est en train d'enregistrer 3 mois. Parce qu'en fait, on est des connards, on fait pas ça mois par mois. C'est ça, voilà. Ça reviendrait trop cher. Ambière, surtout Ambière. Oh. Ah, quelqu'un... Bah non, parce que du coup, t'en achèterais autant, mais pour un mois. Ah non, mais moi j'irais, j'en achèterais pas quand même. Hein. Pas de problème, on est détendu. Donc voilà, c'était notre ami Wish, voilà, présentement. Toujours pas de dossier. Hein, parce que toujours vous... pas. Voilà. J'y ai réfléchi à peut-être et... faire un truc et tout, mais pas pour cette fois. Dans 20 ans, voilà. Tu laisses bosser les autres, t'as tout compris comment ça marche le podcast. Voilà, ancien fonctionnaire. Hein, Et voilà, maintenant, un nouveau, genre même dire une nouvelle rentre dans la crew. Dans le crew. Dans le crew. Dans l'équipe. La fine équipe s'agrandit, encore une fois, s'élargit. Par un bel membre, hein, quand même, par un beau membre. Cette intro ne finira jamais. Tu vois du coup la différence de ton entre quoi qu'il se passe et l'apéro, oui. C'est tout de suite plus léger. C'est plus léger. En fait, c'est inversement proportionnel aux bières comme moi, donc c'est la légèreté. Voilà, bah. Donc c'est Lulu Ciraptor, c'est ça? Tout à fait. Oh, oh merde. Grand Dieu. Grand Dieu. Bonsoir. Ah oui, non, c'est pas. On est toujours pas la nuit. Non, non mais alors, si. On peut vous janvier, la nuit tombe vite. Hein. Donc, voilà. Oui, mais ça dépend de l'écoute, c'est donc, tout. C'est ce que je voulais dire. Voilà, voilà. Première apparition dans Apéro Original. Oui. Et pas la dernière. Et pas la, espérons, voilà. Bah, parce que, alors ça, ça dépend. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans la secte. On va voir comment ça se passe. voilà. Mal. Ça passe mal. On de toute façon, pour sortir d'une secte, c'est souvent suicide collectif. Donc c'est un petit peu. Voilà quoi. Ouais, alors j'ai pas encore été adoubée. Donc je pense que. Mais en parlant de suicide collectif de communauté, est-ce qu'il y en aura un pour la prochaine édition de Podren? Non. Oh. Il n'y aura pas de suicide collectif. Tu veux dire que début janvier 2017, lors de l'événement mondial du podcast francophone mondial, il n'y aura pas de suicide collectif? En janvier? Ah non, janvier, juin. Oh mon Dieu. En juin non plus. Enfin, du coup, pas de nous, parce que Podren. C'est les 3 et 4 juin 2017. Oh. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur podren.fr. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît Amelia Smith? Non. Voilà. Qui nous a retweeté. Ah. Ouh. Oui, parce que du coup, pour une fois, on est en live. Ouais. Donc, on n'est pas au mois de janvier. C'est ah bon fake. Mais Noël, c'est pas passé. Ouais, surtout que pour une fois, on enregistre un mois avant le mois de diffusion. Non, aussi. Non, à chaque fois, on a enregistré le mois même. Ah ouais. Ouais. Non, à la fin, au mois de septembre, on a fait septembre, okay. Octobre, novembre, décembre. Peut-être, c'est possible. Ouais, c'est vrai que des fois, on est un peu plus en retard qu'à l'avance. Voilà. De toute façon, voilà, ça nous laisse le temps pour sortir cet épisode-là. Et du coup, maintenant, nous allons commencer, bien évidemment, par la rubrique que les autres... Ah non, il manque encore un bout. Hein. Il manque un bout? Bah oui. Ah oui, c'est vrai, on peut nous écouter sur Pod Radio. C'est ça. À une heure et un jour indéterminé. J'ai regardé, on a changé de canal. Mais on est jamais sur le même canal. Oui. Mais enfin, on est sur Alpha, la dernière fois que j'ai regardé. C'est ça. Bien sûr, parce que nous sommes déjà un petit peu instables, donc nous sommes toujours sur un canal différent. Alors que 15 Break and Jam, qui se trouve toujours au même endroit. Non, les pubs est montée là, comme ça, pour d'autres podcasts. Hein. Un jour, tu vois qu'on fera comme Radio Kawa, on mettra des pubs entre nos podcasts. Non, c'est chiant à faire en montage. C'est trop corporate. Ouais. C'est trop corporate. Non, déjà, faut faire des pubs pour nos podcasts. Bah oui. Et les diffuser ensuite. Ah. On a essayé. Ouais. Tu veux dire les diffuser? Ça nous a permis de gagner les PPA. Mais si, je pourrais faire ça, mais du coup, les excès de 3 minutes, c'est chiant quoi. Et puis de toute façon, monter les podcasts, c'est pas comme les spéciales Japon quoi. Le quoi? Le running gag à nous. Donc voilà, c'est tout, on en était. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la rubrique que le monde nous envie. Oui. La meilleure. Attends, je me prépare parce que ça. Il faut mettre le jingle. J'ai pas l'habitude. Attention. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! Ouais, j'ai soif ! Allez, non, vous vous fiez, les gars ! De toute façon, la garde... Enchaîne. Parce que de toute façon, la garde casse ton travaux. De toute façon, ça va être un peu compliqué. Donc, bien évidemment, voici la rubrique que le monde anti nous envie dans le ça va houblon. C'est bien houblon. C'est bien houblon. Je sais pas, chaque fois je comprends. Moi, je sais pas, donc... On sait que ça finit par houblon, donc... Le moment où on boit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc maintenant, entre mes mains, présentement, encore, je sais pas pourquoi je dis beaucoup ce mot aujourd'hui, ce soir, le décapsuleur du destin. Et le but, voilà, donc c'est de goûter une bière et de savoir si c'est bon ou si c'est bon. C'est bon, ouais. Il y a quand même eu une fois où c'était pas bon. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça. Ça restera. Hein. Mais non, c'était juste en fait des bières qui sont le pipi. c'est culturel, on peut pas comprendre. Ouais, c'est ça. C'est allemand, on peut pas comprendre. Donc voilà, donc je vais passer le décapsuleur du destin. Alors. Je vois que Lulu n'en a pas besoin, mais je vais la laisser démarrer peut-être. Vous êtes sûr? Oui. Faut que tu présentes du coup la bière. Ah bon? Oui. C'est une bière des Trois Brasseurs, hein, voilà. Apparemment qu'ils ont brassé eux-mêmes, oui. Visiblement. Même. Des bières des 30 ans. Et ils sont trois brasseurs, 30. Et Oh voilà, la bière des 30 ans des Trois Brasseurs. Il faut que je dise autre chose. Oui, il faut que tu l'ouvres et que tu te serves. Et parce que du coup, on explique en même temps. Ah, en même temps. Que... Sploc. Sploc. Elle n'a pas explosé, c'est merveilleux. Mmh. Bon, tu fais la gourmande parce que c'est toi qui as la grande bouteille. Laisse vivre l'instant. Voilà. C'est beau. Ah, ah oui, c'est joli. Elle est humble. Elle est humble. Elle est jolie. C'est du cidre. C'est ça. Je valide la couleur. On est un peu plus fort peut-être. Donc maintenant, le décapsuleur du destin, faut que je le passe. Bah non, c'est à elle de le donner et pas à toi. Ah oui, c'est au suivant de décider. Bah, tu décides à qui tu le passes. Ouais. Oh, trop bien, j'ai le pouvoir. Le décapsuleur du pouvoir. Le décapsuleur. Alors, les nominés sont... Oh putain. Moi. Je choisis Oui Wish. Ouais. Parce que tu te rappelles de parce que Oui Wish, Merry Christmas. Oh, ouais, les bisous de Noël. Attends, Oulou. Badoons. Drop the mic. J'ai jamais fait de aussi à propos avec des bières de Noël. Et t'as bien fait de venir quand même. Pour en revenir. On en fera une jingle de ça. Pour l'année prochaine. Donc bah, moi, ça sera une Saint-Feulien, la cuvée de Noël. Ouais, qui a l'air. Voilà, donc bah, c'est une bière belge d'abbaye à 9 degrés. Enfin, 9%. C'est pas pareil. Ah bon? Ouais, il m'a été à combien de pourcents la mienne? Et elle mousse! Mon dieu, tu vas niquer le sous-boc apéro original! Ah bah, catastrophe. Ouais, là, il est... Alors elle mousse beaucoup, bah, hein. Ça veut rien qu'à la décapsuler, t'en fous partout. Donc tu fais pas gaffe, Gandalf, toi qui en as acheté aussi. Mm. Là, chez moi, je ferai attention. Voilà, donc elle est un peu ambrée, et puis bah, je vais laisser la mousse couler. Hein. Je vais attendre. Comme moi la dernière fois. Hein. Voilà. Avec la brasserie des vignes où j'ai fait 2 minutes comme ça. Hop là. Ah bah, déjà, il y aurait un sous-boc qui est baptisé déjà. Ça commence bien. Ça commence bien. Et mon écouteur, il va sentir la bière un peu. Ouais, ton écouteur, il va sentir la bière. Ça, c'est un bel écouteur. Alors. Alors je pense qu'on en a pour 3 quarts d'heure, là, peut-être que tu la goûtes, là, c'est sûr. Voilà, donc je vais pas la goûter de suite. Hein. Voilà. Ça me rappelle un certain maître de maison, une fois. Oui. Et c'était d'ailleurs avec... Le brasserie des vignes. Ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Hey, il y a la salle à la télé, sur nos lives. Et du coup, je vais passer le décapsuleur à Azertov, à notre hôte. Ouais, voilà. Ah, c'est super bon. Alors, donc, moi, c'est une Korsendonk Christmas Ale. Je ne ferai pas de commentaires sur ce brassard. On se demande bien pourquoi. Gandalf approved. Hop. Pendant ce temps. À Veracruz. J'ai oublié de dire que c'était 8,5 degrés. Mais... Et que c'était une ale, Christmas ale, ouais. Donc c'est une 8,5. Ça va, là. C'est une bière de Noël, donc c'est une bière qui permet de t'asseoir un peu plus vite. C'est ça. Je sais viser. Alors, réécoutez le dossier numéro je sais plus combien sur la présentation des... Non, c'était les bières de Noël ou les bières de printemps que tu avais fait ton dossier? Je l'ai fait sur la bière de Noël. Noël aussi, j'avais fait le 3.2. Je crois, oui. C'est possible. J'ai ripé. Je sais plus, mais écoutez. C'est pas bon ça, si tu ripes. 3.1, 3.2. C'est l'enregistrement numéro 3, il me semble. Voilà. Et bah du coup, je passe à monsieur Gandalf. G81, perturbé, 81, prends la main. Et pas ce, prends la main. Non. Donc c'est toujours... Mais écoutez, c'est très étonnamment, entre les mains, j'ai... Une personne donc. Mais bien évidemment. Et pas autre chose. je veux dire un autre brasseur, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Que puis-je avoir entre les mains? Le pire, c'est que je me suis fait avoir parce que j'avais déjà goûté l'année dernière. Pour le spécial Noël, il y a zéro initiative, zéro innovation. Et du coup, c'est la même bière que moi. Ouais. Le célèbre doigt. Et moi, je la sers dans le verre Corsin, donc, parce que je me respecte. Oui, alors que moi, c'est dans une bière, dans un verre levrette. Mais une tulipe. Il a été décidé de par moi-même en concertation avec moi-même. que cet enregistrement s'appellerait la 7e tulipe. Donc on est avec des verres tulipes. Oui. Pas tous, mais la plupart. Ouais, ou à peu près tulipes. Oui. Je peux brinque. Château Brun, tu veux dire? Ouais, voilà. Non, on a... Et là, maintenant, du coup, je fais passer le décapsule. The last but not the least. Mais bien évidemment. Ou c'est... c'est pas du panier tout à l'heure. Et qui se frotte déjà les cuisses. Je veux pas de bête, bah oui, quand je me frotte les cuisses, c'est que c'est pas bon. Et donc, moi je finis avec une Brewdog de Noël, donc la Santa Pose. On fait des photos et tout, on est corporate. Non. On est corpo. Pendant ce temps, Wish, oui, oui, on n'a toujours pas fini de servir sa bière. Voilà, mais en fait, elle est... c'est limite une stout. Hein. Est... bah, au niveau de la couleur. Ah, mais les bières de Noël, elles sont. Ouais, ouais, c'est des... elles sont. Elles sont stocko normalement. Mais regarde la Corse Saint-Donc, c'est pareil. Mmh. Ouais. Moi aussi, tu vois, je ne m'attendais pas à ce qu'il y a... Moi, c'est un petit peu jaune. Malheureusement que je n'ai pas une bière de Noël. Et voilà. T'en voilà t'en... Non. Elles sont fortes généralement, mais les bières de Noël. Je les aime pas, les bières de Noël. Les mères Noël ou les bières Noël? Les bières Noël. Ouais, j'avais compris les mères Noël. Les mères Noël, moi je les aime pas. et ben alors, sinon aussi on peut préciser que lors de ce podcast sera bu juste un Nika en même temps. Toute la bouteille. Un Nika Coffee Malt. Donc, ah, attends, tu vas faire une présentation ou pas? Non. Ah, c'est bon, continue. Pourquoi? Sinon, t'aurais mis un petit jingle. Bah oui. Ah, non, non, pour une fois, j'ai rien préparé parce que Nika, j'en ai juste parlé trois fois, deux fois déjà, je crois. Donc deux fois en dossier, hein. Voilà, deux fois en dossier. C'est fait avoir. Et oui, c'est vrai. Une fois, c'était pas un dossier, c'est juste une présentation qui durait 20 minutes. C'est pas grand chose. Donc, alors, je vais déballer ce magnifique. Alors, une petite bouteille à 60 euros. On se fait plaisir, c'est à Noël. Ça va. Combien de. Combien de degrés ça? C'est 42. 70 40, 45 degrés, pardon. Ah, c'est pour faire du whisky. Elle est pas forte, moi, là. Ouais, voilà. C'est une boîte pas forte. Alors, le coca, c'est du cola classique de Carrefour. C'est pas du tennis cola, donc on va pas le faire comme ça. Et là? Hop là. Une belle ouverture. Il reste de la courgette. Hein. Il reste de la courgette. J'aime pas le concombre, moi. Mais non, c'est des radis. Ah, pardon. Il est pas masqué, je l'aime pas. Là, ça te fait rire, ça, hein? Ah oui, parce que c'est vrai. Et là, on ouvre donc ce magnifique coffee malt. Ouais, du coup, ça veut dire qu'il faut... Il faut goûter. Bah, il faut goûter, puis... Il faut aller chercher les... Faut chercher ah les... Oui, ah, mais on en a pas assez de glaçons. C'est pas grave. Il y a pas de glaçons. Tu vas pas mettre de l'eau là-dedans. Ah, mais pas de l'eau là-dedans. C'est pas des glaçons... Ah, c'est des vrais glaçons. Ah, c'est pas ah, non, mais c'est des glaçons que j'ai acheté moi-même de chez les Chinois. AliExpress. Pardon, c'est les nerfs. Si, c'est après, des... je sais pas si Lulu, tu vas en prendre. 45 degrés, tu veux rentrer. Non, pas... mais je veux goûter, moi. Ah. Bah, de toute façon, on peut. Si c'est pas bon, je mettrai du coca. Oh, mais une fois que je te l'ai servi, toi, fais ce que tu veux après. C'est que je t'en servirai pas après, par contre. On va ne pas suicider encore. Bon, je me non, sens mais de toute façon, j'en veux juste un doigt. Ah. Tu veux pas faire ce qu'il y a? Ça y est, on vient de niquer le week-end. Ça faisait longtemps qu'on avait. Ah, bah, les. Ah, je me mets de la mousse dans la moustache. Faites passer vos verres, mes amis. Tiens, t'as le mien juste là. Je sais, mais je vais d'abord passer celui de l'extérieur. Ouais, mais... À l'extérieur. Il faudra que je me rase. Ah, bah oui. Bonjour. Oui. Mais c'était pour la photo. Oui. Enfin, pour la photo. Je peux le faire après. Oui, non, j'ai rien dit. Vas-y. Fais donc. Non, un petit. Un petit doigt. Un petit doigt, voilà. Un ongle. Vraiment... Top. Ouais, voilà. Merci. Allez. J'ai la tremblote. Dis donc, tu trembles. J'ai la tremblote. Et après, je finirai par oui, oui, je parce que. Ah, ouais, par contre, ça, là. Ça commence comme ça. Merci, c'est bon. Servez-vous. Vous en mettez partout, les gars. Moi, j'en fous partout. Mais j'ai du mal avec les. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Hein. Si vous voulez un glaçon froid. Ah, mais j'en mets partout, mais non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces glaçons? C'est un glaçon. C'est un glaçon, mais c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est pour pas diluer ton verre. Ouais. Non, merci. Mais avec ce que j'ai comme. Non, ça va aller. Ouais, de toute façon, il n'y en a que 4, on est 5, donc. Bah, ça tombe bien. Merci bien. Voilà. Bon, sinon on va pouvoir commencer ce podcast, non? Ouais, bordel. C'est encore plus long que l'intro de... C'est pas juste l'apéro, hein. On n'ouvre pas la troisième bouteille, parce qu'on a un verre vide encore. Non, c'est pas par-dessus, t'as un verre vide. Ah non, mais ça, c'est le verre... C'est le verre à sans alcool. Ah, c'est le verre... Des voilà. Rince-gosier, entre deux... Donc on va commencer par goûter. Vous goûtez nos bières? Bah, oui, hein. Ouais. Allez. Déjà. Goûtons. J'ai réussi à me servir. Sans caramel, quand même. Oui, moi aussi, hein. à mon avis, elles sont pas sucrées qu'un peu. Ah oui, sacrément. Un peu de gingembre, je sais pas, un truc derrière. Elle est où, gingembre, celle-là? Non, c'est non, un truc, non. Mais un truc un peu fort, je sais pas, ouais, c'est caramel, mais... La symphonie, elle est pas de concombre. Pas. Est-ce que c'est pas parce que je viens de manger un concombre? Oui, mais tu sais qu'il faut pas tremper non plus le concombre dans la bière. C'est dans la sauce à côté, le concombre. Ah merde. Ah. C'est dans la sauce blanche, là. Non, le ramequin bizarre. Quoi? Ouais, mais pas même. Ouais, elle tape bien parce qu'à 8, heureusement qu'on est déjà assis. À 8 bah, moi, heureusement que c'est un litre, hein, parce 8, que sinon. À 6%, franchement. Ah ouais, et la symphonie? Elle est à 9, la symphonie. Putain. Elle est à combien, toi? 4,5. C'est vrai? Elle est à 4,5. Mais elle doit être bonne, parce que les Brewdog, ouais, 4,5. Mais je pensais qu'elle serait plus forte de par sa couleur, tu vois. Et en fait, ouais. Non. C'est quand même une bière de Noël. Comme quoi, c'est pas la couleur qui fait le. C'est j'arrête juste... ma phrase là. Complétez vous-même. C'est juste qu'elle doit être super sucrée. Ouais. Enfin, la mienne est sucrée en tout cas, la Saint-Félien de Noël. Elle est vraiment sucrée. La Saint-Fifi de Noël. Oui. Non, elle est bonne là aussi. Bon, j'avais déjà goûté l'année dernière donc. La passe des bières, tu vas au lit quand même après. Ouais, c'est pour ça que du coup, c'est la première qu'on fait. Voilà. Pour bien attaquer. Mais parce qu'on est comme ça nous. Je faisais committee manager. Ça. Et ben écoutez, on peut goûter le whisky d'ailleurs si certains veulent. Je vais goûter moi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, allez. Ah le whisky. Ouais. Ça picote, c'est du 45 quand même. Quel nez rien qu'elle. Oh, je mets pas ça dans ma bouche moi. Titre. Mais. Je vous jure, ça, ça sent un peu le white spirit. Non. Ah si. On est loin du whisky à 3 francs 6 sous quand même. Okay. C'est bon. Si ah, tu veux, tu peux le garder pour les 3 heures enregistrement. Il est floral. Il est pas mauvais. Enfin, tu vas le boire en 5 mauvais. Heures. Il est floral. Il est trempé un sucre dedans ou je sais pas. Ouh, il est bon. Et de toute façon, l'important, c'est de pas mélanger. Hein. La dernière fois, on a fait un mélange et... Et là, vous êtes en train de faire quoi, là? Mais ça, c'est un mélange de bière et whisky. C'est dans deux fois, il y avait bière, whisky et saké. Et saké. Bah, c'est pas du tout ce qu'on a prévu de faire là, aujourd'hui. Non, après. Après. Non, mais les trois en même temps, dans l'estomac, ça sera quand même mélangé. Oui, mais, oui, mais c'est plus dilué sur le temps. Voilà. La dernière fois, c'était les trois, mais en même temps. Ouais, ok. Bon, bah, je suis toujours pas très whisky. Hein. Ouais. Bah, en goût, il aura pas comme ça. Hein. Non, il est bon. Je préfère toujours le deuxième qu'on avait goûté la dernière fois. Par rapport à d'autres que j'ai pu goûter. Ah, le Shita plutôt. Le Shita. Ah, le Shita était très beau. Ouais. Bon, après le problème, le Shita, je suis pas prêt de t'en ramener. Quoique, c'est pas que je veux pas aller le chercher. Il a pas le goût de son odeur. Ouais. Ok. C'est pas plus mal. Peut-on enchaîner, s'il vous plaît? S'il te plaît, monsieur le présentateur. Je faisais community manager encore avec Roule Zitatech. Je lui ai envoyé la photo. Roule avec moi, avec Toche. Voilà. Donc, je pense qu'on peut continuer. Alors, je crois qu'on avait un dossier, je crois, non? Un dossier. Oui, donc c'est moi, mais c'est pas vraiment un dossier en fait. Oh, je vais vous expliquer. Toi aussi, c'est un arnaqueur? Ouais. C'est une feinte. Je vais vous expliquer ça après mon jingle. Attends, un petit jingle, faut remettre l'écouteur. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. C'est pas un dog quiz, c'est un débat. Va falloir participer, va falloir parler. Moi aussi, je vais. Ah merde. Flûte. Alors, j'ai deux choix de débat. Ça va être sur les jeux de rôle, les jeux de société Legacy. Ah bah, comme par hasard. Comme par hasard. Ouais. Ouais. Et l'autre, c'est sur les adaptations d'œuvres en film. Ah. Moi, j'ai pas écouté. Parce que le 1... J'ai pas écouté le 2. Adaptation d'œuvres en film. Ah d'accord. Mais j'étais en train de faire le cheval sur ma chaise. Ok. Ok. Bon, lequel vous inspire le plus actuellement? Deux. On vote à main levée ou... C'est pas très beau l'audio. Oui. On a parlé du 1 déjà un peu off micro il y a quelques semaines. Mais... On peut partir sur le 2. Ouais, on peut partir sur le 2. Ok. Donc, du coup, les adaptations de films en. Les adaptations d'œuvres en film. Est-ce que le film doit être une adaptation rigoureuse à l'œuvre initiale? Ou est-ce que ça doit se. Ça doit permettre de s'adapter, d'avoir des. J'ai plus le mot en tête, mais voilà, est-ce que ça doit avoir un truc propre aux médias du film? Par exemple, on va voir sur les romans. Ils ont chacun des codes différents déjà. C'est ça. Mais est-ce que du coup, est-ce que le film peut adapter intégralement une œuvre? On va dire, par exemple, je prends Harry Potter. Tout ce que tu lis dans le livre. Oui, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Tout ce que tu lis dans le livre, est-ce que tu dois le voir forcément à l'écran? Ou est-ce que tu peux voir des trucs en plus ou des trucs qui sont complètement retirés? Alors, au niveau de l'histoire, moi je dirais qu'il faudrait que ça colle maximum. Après, niveau visuel, avec tout ce que tu peux rajouter, niveau visuel, niveau décoration, par exemple, comme on parle d'Harry Potter, niveau des fantômes qui se baladent et tout, dire le chevalier sans tête, si c'est pas le même dans le film et dans le livre, un peu rien à faire, quoi. Oui, mais le fait qu'il y ait que tu vois une scène, par exemple, je sais pas, je pense au premier livre. Ouais. Quand Harry passe de sa chambre qui est sous l'escalier à la chambre à l'étage, c'est dans le livre, pas dans le film. Est-ce que du coup ça apporte un truc au film d'avoir cette scène-là ou pas du tout? Alors j'ai pas lu les livres, mais ça dépend ce qui se passe pendant cette scène. Si on le voit juste monter un escalier... Non, c'est juste une notion où il déménage de la petite chambre vers... D'accord, il déménage dans la chambre. Oula. Non. Enfin, je pense pas que ça apporte. Après, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'on doit forcément adapter strict ou je vais prendre un autre exemple. Je sais que vous l'avez pas lu, mais le Septième Fils, donc une série de romans. Il y a eu un film. Mais le film n'est pas top en plus déjà. Adapté, très inspiré, plutôt inspiré des romans, parce que l'histoire n'est quasiment pas la même. Les protagonistes n'ont pas la même histoire. Ouais. Là, tu changes le titre du film. C'est ça, mais c'est toujours adapté en film. Mais le film n'est pas top. Il a des qualités déjà. Un truc discutable en plus. Non, ça arrange pas la chose quoi. Mais voilà. Ah oui, non, mais. On pourrait parler de Antoinette pendant 40 ans, 40 ans et demi quoi. La fourmi dans Ant-Man. Ça, je pourrais être dithyrambique pendant sur ça. Non, pour moi, c'est deux trucs différents. Une part d'adaptation et une part de. Au bout d'un moment, si on demande à tous les dessinateurs et tous les scénaristes de nous raconter Spider-Man comme ils raconteraient Spider-Man, les gens feraient ah ouais, mais non, mais ça sert à rien. Et pour moi, c'est si on change de médium, il faut s'adapter au médium et savoir raconter autre chose. Je pense que les gens, un réalisateur, a peut-être autre chose à raconter de Spider-Man que un auteur de comics où il peut se permettre d'autres trucs ou il peut. Faire d'autres trucs avec. Pour moi, l'adaptation stricto sensu n'a aucun sens, comme je disais. S'il y en a qui sont pas contents du dernier Ghostbuster parce qu'il y a des femmes, et ils ont qu'à regarder le vieux et pas nous faire casser les couilles parce que ils ont qu'à regarder le vieux parce que le vieux leur plaisait très bien. Ils ont qu'à pas aller chercher un autre et puis voilà. Ils ont qu'à le fantasmer s'ils veulent, l'imaginer dans leur tête ou je ne sais quoi. Et puis voilà, de toute façon, les acteurs, il y en a qui sont morts, alors espère d'avoir la suite avec l'acteur qu'ils veulent. Donc pour moi, non, moi je fais toujours un distinguo entre les deux. Parce que pour moi, on a vu des très belles, j'en parlerai plus tard dans un autre épisode de ce podcast, mais il y a eu des adaptations libres de Macbeth, ou des trucs comme ça, c'était librement inspiré. Par exemple, Orson Welles a fait une adaptation d'Othello, et Othello est censé être noir. Mm. Mais c'est Orson Welles qui joue Othello. Bah, c'est donc pour ça que c'est un mauvais film. Il boit tout d'un coup. Alerte whisky. Honnêtement, là, tu t'en prends un petit peu à chaque fois, ça te fait bizarre. Si tu prends tout d'un coup, c'est bon. Si tout rentre d'un coup, Mathieu, j'ai fini. C'est bon. Deux gorgées. Donc, ça veut pas dire que c'est bon. Ah, mais je suis pas très whisky. Hein. Non, je les force en fait. Oui. Je les force. On est sous la contrainte. La mienne est salopière. Je goûte. Pour l'instant, il est whisky. Je suis pas fan, mais je continue. Les bons. Senteur caramel, il est. Doux, senteur caramel, senteur white spirit, je t'ai dit. Non, j'ai l'habitude. Au début, les bières, on disait, ouais, une canne, tout ça, c'est pareil. Enfin, mais... Non, disais pas ça au début. Maintenant, on s'achetait un palais, quoi. Au début, on se contentait. Voilà, on se contentait, ouais. Maintenant, on s'achetait un palais, quoi. Avant, on buvait un pack chacun. Maintenant, on en boit une bonne chacun. Voilà. Qu'on a payé le prix du pack de Heineken, mais on est content. Et on est même plus content. Ah bah oui, carrément, ouais. Carrément. Donc, on en revient à nos Spider-Maneries. Ouais, et donc, du coup, pour vous moi, je suis d'accord avec Normal. Pour moi, c'est compliqué, parce que, d'un côté... Si tu fais une adaptation trop libre, oui, voilà, tu vas être critiqué parce que tu t'éloignes trop du sujet de l'œuvre originale. Mmh. Si tu colles à l'œuvre originale, on va te dire ouais, ton œuvre ne sert à rien, c'est vraiment trop un copier-coller. Voilà, c'est ça. Le problème, faut savoir, ouais, c'est ça. Je prends par exemple l'animé de My Hero Academia, ouais, qui est strictement un copier-coller du manga. Tous les dialogues, c'est vraiment du copier-coller, toutes les scènes, tout du copier-coller. Même ça, c'est un truc qu'ils font souvent dans les mangas. C'est, ouais, mais c'est genre, ils font. Ils font ça à l'économie. Donc. Bah, ils te sortent les trois premiers tomes en animé pour te teaser. Mais là, c'est quand même vraiment flagrant. Et l'animé, même si de manière internationale, il a eu un succès qu'on lui connaît, au Japon, l'animé s'est fait démonter. Parce que. Trop calqué sur le manga. Vous voyez pas d'intérêt. Oui, ça n'apportait rien en plus. Ça n'apportait rien. Oui, ça n'apportait rien, mais c'est surtout que le rythme collait pas en fait. Le rythme animation ne collait pas du tout avec le truc quoi. C'est-à-dire que sur 15 épisodes, ils ont adapté un tome et demi. Oui. Ouais. C'était sur un manga shonen, action, baston, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est hyper long quoi. Sur de l'animé, c'était trop long. C'était trop lent. Alors que sur du manga, c'est un carton monumental. Alors que l'inverse, c'est les One Punch. Ils ont fait, il y a combien ? Il y a 12 épisodes. Ouais. Et ça fait, les 12 épisodes, c'est les 4 ou 5 premiers tomes papier. Enfin, c'est tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, je crois. C'est la première série animée qui est sortie en début d'année. Donc là, on a l'opposé complètement. C'est pour ça, c'est compliqué de jauger, en fait, entre le trop ou le pas assez en fait proche du contenu original. C'est juste pour voir l'adaptation, on va dire animée, que ça soit vraiment un dessin animé ou un film, de ce que tu lis en roman ou en manga, ça n'apporte rien en elle-même. Alors je dirais qu'un manga, c'est encore, enfin, parce que moi j'ai pas l'imagination, mais quand tu lis un roman, tu t'imagines le truc, et le voir un film, ça peut ça peut coller avec ce que tu t'étais imaginé ou pas. Ou pas du tout. Ouais. Alors que sur un manga, bon, t'as vraiment l'image, donc t'as vraiment déjà... Tu vois les scènes se jouer déjà devant toi. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Après, le souci qu'il pourrait y avoir si tu pars sur du copier-coller, en fait, c'est que tu pourrais avoir des dérives du type contraindre les auteurs à faire que des choses qui pourraient être adaptées en film. Oui. Et les brider en fait, brider leur créativité et, sur du comics ou du truc comme ça, qu'on leur dise non, ça tu peux pas le faire, hein, refais tes planches, tes trucs, parce que un film ça sera trop compliqué à adapter, fais la scène de baston, fais-la autrement pour que techniquement ce soit plus facile pour nous. Tu vois ce que je veux dire, quoi, le fait de brider la créativité de l'auteur, quoi. Oui, puis c'est ça, chaque médium apporte aussi ses avantages et ses inconvénients. Oui, c'est ce que des règles différentes chacun, c'est ça, c'est des attentes différentes. C'est ce que disait Damien Fournier, qui est le réalisateur de Noom et qui chapeaute vraiment l'univers de Noom. C'est que chaque truc a une certaine entité. C'est ça, lui il a pensé Noom en cross-média, donc il y a des BD, il y a des romans, il y a la web-série. Et il y a les films qui sont la web série. Et chaque élément utilise vraiment la BD. Bah, il peut faire des décors de ouf, des monstres dans tous les sens, parce que ça coûte rien. Bah oui. C'est juste du dessin. Blanc. Alors qu'en web série, ça va être plus l'histoire qu'il va mettre en avant. Et dans les romans, ça va être encore plus l'histoire avec la possibilité de mettre des backgrounds et tout ce type-là. Et du coup, et toi qui as choisi ce débat ? Ouais, alors moi je dirais ça dépend. Ça dépasse ? Ça dépend du moment. Alors. Est-ce que tu peux te développer ? Tu peux faire une thèse, c'est une thèse. Propté. Non, mais par rapport, vous avez déjà développé, hein, je suis d'accord. Il y a des œuvres avec lesquelles ça passe très très bien et d'autres pas du tout. Par exemple, l'exemple d'Harry Potter que tu as dit tout à l'heure, moi je trouve que dans les films, il manque des infos à des moments. Les films, moi j'ai aimé, il y en a plein qui n'aiment pas, mais je trouve que voilà, vraiment, il manque des trucs qui gênent vraiment la compréhension par rapport au livre. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de garder certains détails. Ouais. Et, du coup, tu parles de. T'as vu tous les films ? Ouais. Est-ce que tu parles du miroir dans. À la fin, dans les deux derniers films du. Les reliques de la mort. Parce que là, je sais pas si vous les avez vus. J'ai pas vu les reliques de la mort pour la première fois la semaine dernière. Ah, c'est tout frais. Ah, ouais, donc c'est frais, vas-y. Donc, tout comme j'ai fini les Seigneurs des Anneaux il y a un mois, 13 ans après la sortie du dernier film. Attends. pardon, on peut s'arrêter trop, juste sur ce point de non, c'est trop long pour lui, du coup, il dort tôt. Oui, du coup, oui, il me faut 13 ans pour regarder un film. De 13 ans. Du coup, comme il commence à regarder le film à 20h, à 21h, il va au lit. Forcément, il est obligé de regarder un 3 fois. 4 fois, 4 fois pour le dernier. Non, mais là, je commençais le film à 11h du matin. Je le finissais en version longue au milieu de l'après-midi. Ouais. Et puis, le retour du roi, il dure 4 heures, je crois, pratiquement. Merci, Laurent. Je n'arrive pas à comprendre. comment pourquoi mettre aussi longtemps à regarder c'est... Non, c'est pas possible. Bah, à chaque fois qu'il passe à la télé le soir, c'est trop long. Ah, mais s'il passe son temps à monter et baisser le soir. Non, mais quand il passe à la télé, mec, t'es au courant qu'on les a tous sur le disque dur. Hein, donc en DVD, mais même moi, ça fait longtemps que je les ai. Pourquoi tu en DVD, les regarder en la télé coffret, en version longue. DVD, version longue. Je les ai en Blu-ray, version longue. J'ai même cassette version longue pour le premier. C'est bien. mais du coup, ouais, pour en revenir sur Harry Potter, ils ont adapté donc le dernier livre en deux films. Et dans le film, en fait, on apprend, je vous spoil à mort, donc attention, si vous n'avez pas vu Harry Potter, revenez dans... On apprend que Harry Potter est un Horcrux. C'est pas ça que j'allais dire, mais bon, presque. Laisse-le finir son alerte spoiler, putain. Donc revenez dans je sais pas quand pour le live, et ça sera dit au montage. J'ai pas vu le film, hein. Mais je le sais quand même. Mais en fait, donc, t'as pas lu les livres. T'as Dumbledore qui meurt à la fin de l'avant-dernier. Moi j'ai cru vraiment qu'il allait pas mourir. Je vous jure, pourtant je connaissais l'histoire, je savais qu'il mourrait, mais j'étais sûre qu'ils allaient. Oui, tu peux dire, putain, à la fin, quoi. J'étais sûre. Et en fait, donc, dans le livre d'après, en fait, on apprend que Harry Potter il a un morceau de miroir qui fait partie d'un miroir plus grand et qui montre en fait un Dumbledore. Ouais, qui est en fait son frère. Qui est en fait son frère. Sauf que dans le film, quand t'as vu celui d'avant, je sais plus le titre, et les reliques de la mort, t'as pas de transition en fait. Avant, il a pas le miroir, et après, il fait ah oui, j'ai le miroir qu'on m'a. Non, même pas l'introduction, c'est. Il sort son miroir et il voit Dumbledore. Et tu fais. Mais il sort sa bite. Et il voit Dumbledore, eh ben dis donc, mon petit coquin. Et du coup, tu sais pas. On va juste l'avoir, mais là, je l'ai. Oui, moi je sais que du coup, ça m'a choqué de qu'il sorte le miroir comme ça d'un coup, qu'il voit et qu'il dit mais oui, ça, je vois, sans introduction, sans rien, tu fais mais attends. Là, il a dû faire une quête annexe quelque part, et il a chopé le miroir. C'est ça. Surtout qu'il, je suis même pas sûr qu'ils disent ouais, je l'ai depuis hyper longtemps, enfin genre 2-3 ans ou depuis que je suis à l'école à Poudlard ou un truc du genre. Je les ai tous fait d'affilée, je les ai regardés tous en une semaine et j'ai pas compris non plus. Ça arrive d'un coup comme ça, il a un miroir. Ok, ouais, mais non, ça va pas dans celui d'avant. C'est l'ordre du phénix, il y a plein de petits détails comme ça. L'ordre du phénix, c'est le 4. L'ordre du phénix, c'est le 4. Même ça, c'est le prince de Saint-Mêlé. Oui, mais c'est sûr, c'est le prince de Saint-Mêlé. Ou le 6, le prince de Saint-Mêlé, je sais plus. Ouais, je connais pas. Mais c'est l'avant-dernier ou. Le relique de la mort, c'est une seule et même année, mais ils sont juste divisés. Oui, ils ont fait deux films. C'est le 7. Mais donc, du coup, ouais, là, c'est un problème propre, on va dire, à l'adaptation et au scénariste. Tiens, ça me rappelle un autre film. qui mettent pas en fait ces éléments-là qui sont quand même assez importants. Parce qu'on découvre que. Après, tu sors un objet de 4, tu sais pas où tu l'as looté. Oui, c'est ça. là, tu peux même pas te dire. Par la poste. Tu peux même pas te dire, ouais, c'est entre les films ou l'espace. C'est un PNJ qui l'a mis dans la poste. Tu dis, ouais, je l'ai depuis hyper longtemps, mais tu l'as jamais utilisé avant ou. Non, on le voyait pas. Il avait pas la capacité. C'est pour ça. Il avait pas le level. Il avait pas le level, c'est bon. Qu'ils auraient pile la dernière année, il avait développé la capacité. Non, moi j'ai un autre exemple, il y a un truc qui m'a choqué, c'est au début d'un épisode, je sais plus lequel, il y a Hermione qui fait la gueule à Ron, et on sait pas du tout pourquoi. Ils ont pas expliqué à aucun moment. Dans l'épisode d'avant, ils s'entendaient très bien. Et là, d'un coup, elle lui fait la gueule. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et jamais c'est expliqué. Alors, il y a un film où ils se font la gueule. C'est pas le 3. Il y a un film où ils se font vraiment la gueule parce que Ron il sort avec une autre. Oui. C'est pas le 3. C'est avant. Mais oui, c'est avant. Ouais. C'est pas le prisonnier d'Azkaban? Non, c'est pas le prisonnier. Ça va être après, soit le 5 ou le 6. Mais c'est vraiment dans les défauts, on va dire, de l'adaptation, où là, justement, ils prennent pas des éléments. Je vais prendre un autre exemple. Toi, t'as vu Bilbo le Hobbit sur ta main? Non, mais c'est justement, c'est par rapport au Seigneur des Anneaux. Ouais. Toute la partie Léo de Galgal, quand il trouve Tom Bombadil dans le film. Ah oui, ça y est pas du tout. Ça y est pas du tout. En fait, on t'explique que l'anneau, en fait, ça corrompt tout le monde. Ouais. Personne ne résiste, ni résiste. Et dans le bouquin, en fait, le 2 ou 3e chapitre, il tombe sur Tom Bombadil où l'anneau n'a aucun pouvoir sur lui. Et je sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est un être féerique ou d'une. Enfin, il raconte Ragnarok, le magicien marron aussi. Là, le brun, Ragnar, c'est dans Viking. Il est dans le Hobbit. Oui, ça, c'est dans le Hobbit. Mais dans le Seigneur des Anneaux aussi? Non, on le voit pas. Au début, quand il explique le truc avec sa romane, non? Non, je crois pas. Non, je crois pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur des Anneaux, non, mais. Non, mais. Ah, dans le livre, peut-être. Non, je crois pas du film. Là, ouais. Dans le film, t'as aucun intérêt de dire ouais putain c'est un truc vraiment assez dangereux qui corrompt tout le monde. Et d'un coup, t'as Tom Bombadil c'est sûr que tu peux pas comprendre. On essaie de te monter vraiment le truc crescendo, ouais c'est énorme. Et lui en fait ça a aucun effet. Donc là c'est compréhensible que cette partie là n'y soit pas. Oui. Même si c'est important on va dire au niveau du livre. De l'univers ça te donne des infos au niveau de l'adaptation en film. Ça n'a aucun sens. Ouais. Quand tu regardes les animaux fantastiques, c'est pareil. Les personnages, je n'ai pas trouvé hyper bien bossés. Si, quoi, un peu. Mais bon, je trouve un peu en retrait. Par contre, l'univers derrière qui est brossé est super bien. Ouais, mais là, du coup, est-ce que c'est un problème de l'adaptation la pour avoir la suite, voilà, ça, c'est plutôt ça. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a des super idées sur l'univers, sur les personnages, j'étais un peu plus. Mais il n'y a que le personnage principal, je trouvais que c'était un peu. Un Docteur Who. Ouais, voilà. Ouais, c'est complètement un copier-coller de Docteur Who avec des mimiques, avec une façon de jouer et tout. Il a très une attitude. Docteur. Le docteur, ouais. Mais après, tu vois, j'ai été un peu déçu au niveau des personnages, même s'ils ont des très bonnes idées derrière. Hein, mais je crois que l'univers, par contre, avait été super bien moussé. Et à la base, voilà, c'est la réflexion de quelqu'un qui faisait du livre. A fait parce que c'est J.K. Rowling qui a scénarisé, elle a co-scénarisé, je crois qu'ils étaient deux. Co-scénarisé, oui, parce que c'est pas qu'elle est très habituée au cinéma. Donc, du coup, dans ce cas-là, se dire que le film est valide, même si l'histoire est différente. Oui, je sais pas si c'est basé sur un. Non, c'est basé sur rien. C'est basé sur rien. Il n'y a pas d'œuvre originale. Le dernier Harry Potter, c'est juste la pièce de théâtre. Il n'y a pas de roman, si tu veux, sur lequel c'est basé. C'est vraiment un scénario, un script original qui a été écrit par J.K. Rowling. Si vous savez, c'était une adaptation. Donc c'est hors sujet. Non, c'est même pas. C'est même pas un truc original. En fait, c'est basé sur le bestiaire. Oui, c'est ça. Donc c'est le bouquin qui est sorti dans l'univers qui a été sorti. C'est ça. Vous voulez faire une adaptation Mais c'est en fait c'est ce livre-là. C'est un livre qu'ils utilisent dans le film. Voilà, c'est un truc, mais qui est sorti chez nous. Parce que Harry Potter, il est fan des créatures magiques. Il faut aussi penser que le film a été réalisé par celui qui a réalisé les deux ou trois derniers films d'Harry Potter, David Yates. Bon, après niveau. Tu peux replacer au moins à peu près le. Tu peux. Ah bah, première bière. Bah, tu l'as fait tout à l'heure et t'avais pas bu de bière. Hein. C'est pas faux, mais ça c'est le sirop de fraise. Ouais, c'est le sirop de fraise. C'est le diabète. Non, c'est de la grenadine. Non, c'est de la fraise. Non, de la framboise. Non, je crois c'est grenadine. Je t'assure, c'est de la fraise. Non, c'est pas de la fraise. C'est trop de la fraise. J'ai vu une. Et une fois, t'as quelque chose? Non, réponse de Tocheux. Ah merde, j'ai pas vu. Je valide à Fun Guys. podcast. Souligne podcast. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres. Que ça soit vraiment soit du roman ou une pièce de théâtre ou je sais pas, autre chose et dont le film. Oh, mais des adaptations aussi à Broadway, c'était rocambolesque, du Spider-Man, du Batman. Moi j'ai jamais osé regarder ça, c'était trop. Il y a d'autres exemples d'adaptations. What the fuck est-ce que. On va me dire que je reviens toujours au manga, mais. Anime manga, doit y en avoir beaucoup. Je pense à Full Metal Alchemist. Oui, avec la première série. La première série, ça part et puis du coup. Ouais. Mais, alors du coup, faut remettre dans le contexte de la première série. Ouais. Ça a été. L'adaptation animée. L'adaptation animée, alors que la série était toujours en cours. Ouais, oui. Beaucoup trop anticipée en fait. Donc, en fait, toute la, on va dire, la première moitié correspond. Pas la première moitié. Sur, il y a combien, 51 épisodes, hein, la première série. Très tôt commence en fait à y avoir des petits éléments qui changent. Je crois c'est, il y a les 10 premiers, pas plus. C'est tout. Ouais. Je pensais que c'était. Même je pense que ça va être 8 ou 9, mais au 10 déjà ça commence à partir un coup. De toute façon, après Nina. Ouais. Voilà. Bah, Nina c'est épisode 4. Oui. Ouais. Mais t'es déjà dégoûté de l'animé. Ça continue de suivre jusqu'à l'épisode 8-10. Mais... Alors je pars, hein, parce que. C'est déjà l'épisode 4 oui, oui, oui. Ouais, ça non, moi aussi, je pensais que c'était un peu plus tard. Non, non, aussi, quand tu m'as dit épisode 4, j'ai voulu me les refaire il y a pas longtemps. J'ai vu les 3 premiers. J'ai vu le 4ème. J'ai vu juste le début du 4ème où t'as le père qui se tourne vers Alphonse et Eric. Et de vous, putain. Et là, tu fais non. Après, la première série FMA a quand même ses bons côtés. Ah oui. Il y a des choses qu'ils n'ont pas développées dans la deuxième série, les Brotherhood. Ouais. C'est par exemple toute l'enfance des frères. Oui, elle est mieux développée. Et ça, pas tu l'as. Les Brotherhood. Tout ce qui est apprentissage de l'alchimie, l'enfance des frères et tout, tu la vois pas du tout dans les Brotherhood. Mais c'est l'histoire est totalement différente. Il y a des personnages qui n'existent pas, la sœur de l'Armstrong n'existe pas. Les homonculus n'ont pas les mêmes noms. Enfin, ils ont des noms qui sont inversés. Oui. Il y a Slot, du coup, c'est pas du tout le même. Non, il en manque un. Il y en a un qui y est pas. Et ben non, ils sont tous. Non, ils y sont tous, mais ils ont peut-être pas forcément les mêmes noms. Le gros est remplacé. Ouais. Oui. Le gros, qui est Slot dans l'histoire originale, c'est le petit. Dans la première adaptation animée, Slot, c'est l'homonculus de la mère de Al. C'est vrai. Et Ed. Ouais. Et en fait, ils expliquent la création d'homonculus. C'est des tentatives de transmutation humaine ratées. C'est ça. Et c'est pour ça que leur mère est devenue un homonculus. Dans la première série. Mais c'est parce que du coup. Mais la première série est très bien. Attacher les wagons. Sauf la fin en fait. C'est ça en fait. La première série, c'est dans le contexte où on a rattrapé l'histoire du manga. Voilà, après ils ont improvisé. Et du coup, voilà, on fait une histoire. Et on sent l'improvisation à partir du 40e ou 42e épisode. Ouais, mais ça se tient quand même. Leur histoire se tient. L'histoire se tient, même si c'est absolument hors sujet par rapport à la vraie histoire. Ah oui, il y a quand même une cohérence dans leur truc. Le scénario est quand même bien recherché. Par un peu abri quoi, quand même. C'est surtout le film qui suit. Ça va un peu vite. Non, le film encore, je trouve que. Le Conquérant. Il y a de l'idée derrière. Conqueror Shambhala, c'était pour boucler l'histoire. Parce oui, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a plus d'idées que dans la fin de la première série. Ou la fin, c'est un peu. Il y a des gars qui reviennent. Bonjour, je suis méchant. Coucou, okay. Bob. C'est pourquoi. Et voilà. Bon. Et tout le monde y meurt. Et voilà. Mais encore, le film essaie de rattacher les wagons par rapport à ça. Et c'est, je trouve, bien fait quand même. Bah, le film va jusqu'à t'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte en fait. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les histoires? C'est bien fait. Moi j'ai bien aimé celui-là. Le film est vraiment là pour conclure cette série-là. Ouais. Ah oui, c'est. Parce qu'après, je n'ai pas vu le film des Bronze Rouge, je ne l'ai pas vu. Il y a pas de film. Il y a un film, mais il n'a rien à voir avec l'histoire. Ah, c'est un film intermédiaire. Ça se passe à un moment dans l'histoire. C'est le truc off Milos, je ne sais pas quoi, non. C'est, je ne sais plus quoi. Blood quelque chose, non. Milos, je crois que c'est non. Ouais, peut-être un truc comme ça. Parce qu'après, il faut aussi compter que la première série, il y a des jeux de Play 2 aussi que tu peux rajouter dans la chronologie. Et c'est des jeux qui ont une certaine importance aussi. Ils ont fait des scènes animées exprès, ils ont fait des trucs, ils ont développé des trucs. Après, je ne sais pas si pour les Bronze Rouge, ils ont développé autant. Je sais pas. Je pourrais pas dire non plus. Antoinette. Oui. Bah, là, on va dire que c'est quand même un double problème de l'Antoinette. Donc, c'est pour remettre dans le contexte. C'est le nom de la fourmi dans Ant-Man. Ouais, c'est ça. Qui ne porte. Donc, c'est le nom VF qui ne porte pas le même nom en VO. Voilà, donc on tombe sur double problème, c'est ça. Le problème de la traduction. Ouais, c'est le problème. C'est quoi en VO du coup? Anthony. Je sais pas. Anthony? Je sais plus. Sur Antoinette, ça fait vraiment quand même nom super français. Ouais. Bah, oui, après, c'est... Bah, ça fait Marie-Antoinette. Ouais, voilà. Oui. Pour moi, ça fait une souris. Donc à manger de la brioche, sinon pas de pain. Mais c'est la vraie histoire. Une fourmi, ouais, ça... C'est con à dire, mais ça... Il doit avoir un nom plutôt féminin. Parce que une fourmi. Parce que une fourmi, voilà. C'est... Bah, après, pour moi, ça... Parce que c'est toutes des femelles. Voilà. Pour moi, ça me semble logique comme ça. De toute façon, c'est la reine qui pond. Donc, le reste. Et puis, je sais pas, je crois que c'est pas comme les abeilles en plus. Je crois que si la reine est morte, je crois qu'il n'y a pas de. Vive la reine. Ouais, voilà. La reine est morte. Vive Marie-Antoinette. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que. Non, dans, c'est... dans les comics en VF, elle s'appelle comment la fourmi? Mais je crois qu'elle n'est pas nommée. Voilà. Ah. Je me rappelle plus, tu vois, je suis pas très Ant-Man, surtout les récents. Donc j'ai lu pas... les récents, mais ça me. Ça m'a déjà rien d'avoir. Mais en fait. Pourquoi les gens ils ont pas adapté Batman, Superman de façon. Alors, ah, ça c'est pareil, hein. C'est là qu'on arrive aussi aux limites de l'adaptation. Parce qu'on peut, Superman, il y a un film animé aussi, c'est qui est beaucoup mieux que le film. Knight Rise. Oui, il est très bien d'ailleurs. En deux parties. Mais c'est pareil, c'est parce qu'on s'adresse pas du tout au même public. Tout simplement. On veut pas attaquer le même public. Et puis bon, quand avec un seul film tu veux rattraper tout le DC, tout le Marvel Universe, on peut te dire que tu finis au SAMU, quoi. Ouais, donc Knight Rise, c'est quoi? C'est deux films de 1 heure en animé. L'histoire va quand même assez vite parce que dans les deux films il y a double face. Ouais. Le chef des mutants, j'ai plus son nom. Ah oui. C'est le vieux là. Le gros baraque. Ouais. Il y a le Joker, il y a Superman. Ouais, dans les Batman, ouais, c'est Dark Rise. Oui, Dark Rise, ouais. Donc en deux, en non, deux films Dark de Dark l'univers. Crisis, non, c'est. Mais Dark Knight, mais Dark Rise. Mais Dark Knight Return. Ouais. En deux films. Dark Knight Rises, c'est. Marion Cotillard, tu fais très bien à l'audio. Alors du coup, je diverge et c'est énorme. C'est énorme. Cette scène-là de Marion Marion Cotillard qui meurt de cette façon-là. Est-ce que ça te sort pas du film? Non, à peine. Est-ce que ouais, mais est-ce que je vais sortir de la salle. On va dire la faute revient à qui? La faute est limitée. Oh. Compliquée quoi. Si on la voit, c'est que quand même, derrière quelqu'un a validé. Mais oui, a validé. Après, à voir qui c'est qui a fait le montage, parce qu'il y a des fois, c'est le monteur, il fait juste monter. Le monteur, c'est une entreprise. Après, c'est peut-être ça aussi, mais du coup, voilà. C'est le... Tu vois, par exemple, je prends le Heur. Ouais. Spike Jonze, avec. Comment il s'appelle? J'ai plus de nom. Le méchant dans Gladiator. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et alors, il n'était pas satisfait du montage parce qu'il avait 4 heures de film. Vraiment, il avait 4 heures de film. Spike un peu Jonze, comme Titanic. Il allait taper à la porte de Steven Soderbergh, qui fait du montage aussi. Juste Steven Soderbergh, donc j'aurais bien tapé à la porte de Steven Soderbergh. Et le gars, il a repris le film, il a fait bon, allez, je te fais un montage, moi tu vas voir. Ben, il a enlevé 1h30 de film. Donc, ça sert à rien, ça tu peux le mettre en avant, C'est là que tu vois les différences de perception, rien qu'au niveau du montage. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés là-dessus et intéressés super-héros, il y a Superman 2 en deux versions. T'as la version de base et t'as la version Richard Donner. Ouais, montée par le réal, c'est ça. L'ancien réal du 1. Et comme lui, il l'entendait. Comme lui, enfin, et avec ce qu'il avait comme matos en main aussi, parce qu'il pouvait pas tourner comme il voulait, tout ça. Et du coup, t'as deux films qui sont très, très différents. Il y en a un qui est très nanar, c'est-à-dire comme il est, et l'autre, il est bien, mais sans plus, tu vois. Et de suite, tu vois, voilà, quand c'est. Voilà, c'est pour ça qu'on en arrive à des aberrations, comme Suicide Squad, dont on taira le nom. Ah, j'ai trop pas vu. Où tout le monde vient c'est dire « ça s'en plaît pas ». Et on arrive à une espèce de globi-boulga qui ressemble plus à rien. Voilà. Qui n'a que... Director's Cut, mais non. Et voilà, qui n'a de cinéma que le nom. Il est pas génial. Hein. Et les gens vont se comparer ça avec Batman Superman en disant que c'est de la merde, mais au moins, comment il s'appelle, Zack Snyder. Oui, il avait une optique et il s'est tenu, quoi. Il était tout seul. Oui, voilà, il s'est tenu à ce qu'il en avait. Et surtout, quand tu prends le cahier. Ouais. Et surtout. J'y ai pensé, mais j'avais pas osé. Et surtout, quand tu vois le. Et surtout, quand tu vois ce qu'il arrivait à faire avec le cahier des charges qu'il avait, c'est quand même malaise, quelque part. Malgré que ce que les gens en diront, hein, mais bon, c'est toujours moins con que 4 cons qui se tapent sur un tarmac. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'en parlerai plus tard aussi de ça. Ah, je crois que je vois ce que tu dis. Civil Wars. Peut-être. Voilà. Oui. Je t'aime pas, Iron Man. Je t'aime pas, Captain Américain. Je ne sais pas rêver non plus, celui-là. Et Spider-Man qui récupère le bouclier de. Ah, si, de c'est... non, mais ça. Mais ça a choqué personne, par contre, que Spider-Man arrive dans le film. Bonjour, je sais qui tu es. Oui. Mais ça a moins choqué les gens que oh là là, Wonder Woman, elle sert à rien. Justement, là, c'était l'événement. Putain, oui, voilà, Spider-Man qui était chez la Fox. Non, Sony. Chez Sony, ouais. Chez Sony, arrive chez Marvel. À croire que quand les gens ils ont la gueule, ils réfléchissent moins. Ouais, ça, c'est. Là, c'était vraiment c'est plus malheureux, sur, je trouve. Non, mais c'est vrai. Déjà, ils sont dans le jeu. Ouais, c'est ça. Oh là là, montez Spider-Man. Non, mais ça justifie pas tout de le faire apparaître dans le film parce que Iron Man il a des méga technologies. Bonjour, je sais qui t'es. Mais comment tu le sais? Je suis Iron Man. Mais oui, je suis Iron Man. Oui. Ok. Ça, c'est une autre problématique derrière. C'est l'exit. Je suis le plus gros cachet du film. C'était ça. C'était ça. Donc voilà, au bout d'un moment, ouais, non, mais ça, il y a toujours des limites. Hein. Après, moi, j'aime bien les films qui adaptent, mais j'en parlerai avec mon truc sur Kurosawa. Il a pas mal adapté des trucs de Macbeth, Othello, merde, Shakespeare. Ouais. Très librement. Ah bah, comme Le Roi Lion. Hein. Bah, Le Roi Lion, c'est quoi ? Le Roi Lion. Parlons-en. Adaptation de Hamlet. Le Roi Léo. Mais, qui... Léo. Non, mais le problème du Roi Lion, c'est le que Roi c'est Léo. Déjà un peu... une bonne grosse ressucée d'un truc de Tezuka aussi, voilà. Le Roi Léo. Bon, le Roi Léo aussi. Donc déjà, on va dire que déjà, ça pue du cul, quoi, quelque part. Oui, mais ça, c'est... mais c'est bien fait quand même. C'est Disney. Voilà. Disney, il n'a pas des idées propres, toi, des trucs qui fait c'est Disney, on l'excuse. Bah, Atlantis était bien piqué un peu Nadia et le secret de l'eau bleue aussi, hein. Mm. Donc, Mais bon, après, tout le monde pique chez tout le monde, on va dire que c'est un peu le... C'est bonne guerre. C'est pas la première fois qu'on y a... Et du coup, Lulu, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais si on pouvait parler de films que j'ai vus, quoi, ça m'arrangerait. Bah, vas-y. Bah, Le Roi Lion, tu l'as pas vu ? Non. Oh, putain. Non, je déconne. Un film que t'as vu et que qui rentre dans cette thématique-là. Qui a été adapté, qui est adapté d'un roman, d'une série. C'est quand même que je rêve. Ah, tout. Je sais pas, Narnia... En arrière, je me suis jamais Hunger Games, à la croisée des mondes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir vu le film et lu le bouquin pour. Parce que moi, j'ai pour faire le comparatif. Avec Gabi, on peut en parler par exemple. Je peux dire si c'est mieux ou pas. Edge of Tomorrow. Ah, il y a eu trois adaptations de Edge of Tomorrow. Il n'y a personne qui a lu et regardé les Game of Thrones par hasard. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Non, mais après, les bouquins, la série s'éloigne de plus en plus des bouquins. D'après ce que les échos que j'ai pas lu les bouquins. Ouais, mais j'ai pas vu la série non plus. Alors, ouais. Il me semble que la série est quand même validée par Martin. Par J.R.R. J.R.R. Martin. Bah, en même temps, il veut pas finir son truc, donc non. Bah ouais, il veut continuer. Ça rapporte du fric. Bah ouais. Le problème qu'il y a, c'est que la structure des romans qui sont à chaque fois d'un point de vue d'un personnage. Et voilà. Il l'a fait, c'était bien au début, mais du coup, maintenant, il est prisonnier de ça. Et oui. C'est ça qui fait qu'il a un peu de mal à terminer. Parce que si pas loin, non, fait pas loin, il a un grand peu pour terminer, quoi. Il y a des personnages qui sont vivants encore. Oui, ouais. Attends, il peut toujours en trouver au moins deux. Franchement, c'est une série où il meurt ou il s'encule. Après, des fois, les deux en même temps. Franchement, ça fait un moment qu'ils ne sont pas enculés. Ah, je préfère regarder Westworld, au moins, ils ne s'enculent pas. Ah, si, quoi que. Si. Westworld, c'est le nouveau là, dans le parc d'attractions. Oui, il faut que je retourne, on m'a dit que c'était bien. Ouais, t'as même dit pareil. Aussi. J'en ai entendu parler, mais c'est tout. Ah. Non, bah, deux personnes m'ont dit que c'était très bien, donc genre. Moi j'avais vu ça présenter la nouvelle série qui va remplacer Game of Thrones. Du coup, tu parlais de Edge of Tomorrow, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film ? Oui. Non. J'ai pas eu l'occasion. C'est toi qui l'as vu du coup. Le film, ouais. Mais j'ai pas. Enfin, c'est quoi ? C'est adapté d'un. C'est adapté d'un roman. C'est adapté d'un roman qui s'appelle All You Need Is Kill. Ouais. Qui a été adapté en manga. Ouais. Qui s'appelle All You Need Is Kill. D'accord. Et qui a été adapté en film qui s'appelle Edge of Tomorrow. T'avais ton cours dedans. Non, mais je savais pas que c'était adapté de ça en fait. C'est le manga, ouais, je crois voir lequel c'est. Oui, le manga. De volume. C'est ce manga que je n'avais pas parlé. Qui est très très bien. Qui est dessiné par Akishi Obata. Ouais, t'as qu'à faire. Le dessinateur de Death Note. Et ouais, après j'ai pas trop. Bon, j'avais survolé le film. Le film, sympathique, bah, c'est un bon film d'action quoi. Après, ouais, c'est l'histoire, bah, il crève, il revit, il tape sur des monstres. Alors que tu vois que dans les mangas, tu passes comme un autre cap, tu vois, t'as de narration. Comme j'ai pas vu le film, je sais pas. Je sais que la seule différence que je connais, c'est que dans le film, il a une épée. Alors que en fait il a une grosse hache, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, mais tout le monde m'en a parlé du film sans été waouh quoi. Non, bah non, c'est un bon film d'action quoi. Il y a de la bagarre, il y a des explosions. Tu montes un peu le son et t'en profites quoi. Je sais pas si là le support film est intéressant par rapport au premier. Par rapport au roman. Le support manga, j'ai pas lu le roman non plus, mais moi le support manga Alors, il est disponible en français d'ailleurs. Le roman. Pour une forme un peu sale, on peut le souligner aussi. Donc voilà, je sais pas combien on en est. Une heure, mais après du coup, vous avez pas d'autres Non, là, j'ai pas d'autres en tête, j'ai pas de... pas d'exemple. De toute façon, des adaptations réussies, t'as qu'à... Il y a quand même des chiens. Hein. Ouais, tu prends Blade Runner, tu prends Blade Runner par exemple. Après, elle peut avoir ça, des défauts. Ça s'éloigne du livre, hein, mais ça reste quand même une œuvre fondatrice du cinéma moderne. Oui. Je crois que tu ne peux pas comprendre le cinéma de science-fiction moderne sans avoir vu Blade Runner. Pour l'avoir vu, moi, ça a été le choc. Moi, je me suis dit, ah ouais, voilà. Tu regardes des jeux comme 12 X derrière, tu fais, ah oui, voilà. Tout ça en découle de tout ça. Et après, tu apprends que Philippe K. Dick détestait les livres qu'il écrivait. Il voulait en fait écrire des livres du Voltaire, tu vois. Là, tu fais, ah ouais, quand même. C'est pas le même genre. Voilà. Mais parce qu'il aimait pas trop la science-fiction, en fait. Okay. C'est con. Le père fondateur de la science-fiction qui n'aimait pas la science-fiction. Pas trop. Bon, après, c'est des trucs. Mais c'est pareil avec John Buscema chez Marvel. On va faire un truc avec c'est une bestiole sur Thor, c'est une bestiole sur les Avengers. Mais il aimait pas faire ce qu'il faisait. Il adorait faire Conan et tout ça parce qu'il trouvait que c'était intelligent. Sinon, le reste trouvait ça débile comme il en pouvait. Donc, pour lui, c'était alimentaire. Et quand tu vois comment il décidait, tu trouves les joues et tu fais oh putain. Heureusement que c'est alimentaire. Ouais. Oh l'autre. C'est alimentaire entre guillemets, je pense qu'ils appréciaient quand même un peu, mais voilà, s'ils auraient pu faire autre chose, ils l'auraient fait. C'est ça. Bah, du coup, après, si vous n'avez pas d'autres sujets à débat de films ou de séries ou d'œuvres ou... Une dans le trauque. Ah, du coup, on va pouvoir enchaîner. Ouais. Jingle. Bah, je sais pas, c'est pas moi qui... Jingle de qui, de quoi? C'est le quiz. De Asto. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Alors aujourd'hui mon doc. Alors là Tana, je prends un petit bout de fuet. Quelle organisation. Oui, prends parce que il y en a qui ont le rythme. je pars au rechargement. Rechargement de quoi? De fouet. Ah, bah il y a un truc à manger hein. Oui, mais il y a un quiz. Bah, oui, mais on va pas t'entendre. Ouais. Moi c'est pas grave. Reviens. On répétera. Alors, c'est un quiz. Ouais. Voilà. Chouette. Non. Je fais des thématiques. Tu fais quoi sur la table? Par enregistrement, j'essaie de faire des thématiques. Le Japon. Alors, cette fois, je suis parti sur une thématique jeux vidéo. Oh. Fait un petit moment que j'avais pas fait de thématique jeux vidéo. Et donc, je vais faire un quiz que j'ai appelé la pupitch. Une grosse pitch. Non, c'est-à-dire que c'est un pitch, c'est à peu près le pitch. Ah. C'est un à peu presque quoi. Un à peu presque pitch. Donc une grosse pitch. Je vais essayer de vous pitcher des jeux vidéo, mais de manière assez approximative. De manière procédurale. De manière très approximative. Alors à un moment, il rentre. Alors à un moment, il y a un mec, voilà, puis une fille. Et à un moment, il y a un mec qui rentre dans un bar. Et plouf, non. Non, la blague s'arrête là. J'ai un synopsis de comics qui commence comme ça. Hein? C'est l'histoire d'un épouvantail qui rentre dans un bar et qui plonge une ville américaine moderne dans un. Mais c'est trop long, trop long. Ouais, trop long. Ouais, ouais, ouais. Ta gueule. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment un synopsis de comics. Hein. Ta gueule. Ouais, je regarde le son. Alors. M'en fous. Donc le pitch numéro 1. Alors c'est l'histoire d'un livreur. Comme c'est un livreur, bah, il perd forcément le colis. À un moment donné, les livreurs ils sont un peu cons. Et il avait deux colis, et en fait, il en perd un, et ouais. Il se fait voler le deuxième. Oula, d'abord, il est postal. Vraiment, c'est vraiment un livreur de merde. Si ça dit quelque chose. Et du coup, il y a quelqu'un qui trouve le colis, et bizarrement, avec ce colis, il y a un papier avec l'adresse de la personne qui a volé l'autre colis. C'est très gueux vidéo ça. Hein. Voilà. C'est normal. Du coup, il a volé son propre colis. Du coup, le mec qui a trouvé le colis, avec ses potes, il fait un relais pour aller chercher le deuxième colis. Le 4x5 Voilà, il se relaie pour transporter le premier colis pour aller chercher le deuxième colis. Et du coup, une fois qu'ils ont trouvé le deuxième colis, ils ont les deux colis et du coup, ils les livrent à la personne, au destinataire d'origine, alors qu'ils n'avaient même pas l'adresse du destinataire d'origine. Donc c'est encore plus con. Ouais, de Dieu. Et ton quiz, il est stocko du ciboulot. Hein. C'est au début, le premier épisode. c'est approximatif. Hein. On peut avoir des indices Oui. Quelle génération de jeu? As-tu la génération de console? C'est PC, on est pas dans la merde. Non, non, c'est pas PC. Alors, c'est du jeu Nintendo. Mario. Un jeu Nintendo, Pikmin. Non, c'est pas ça. Un jeu Nintendo. Alors, les mecs qui font le relais, il y en a un de ceux qui font le relais qui est dans le titre du jeu. Mario Relais. Mario Roller. Sonic Relais Postal. Non. Il coupe un, image un. Il coupe un, image un. J'en ai pas mangé un seul. Je t'ai vu manger. Ah non, j'ai jeté ça. Ah merde. Ceux qui font le relais, ils pondent des œufs. Yoshi. C'est dans Super Mario World 2, Yoshi's Island. Exactement. Je l'avais pas. Non, parce que, oui, parce que c'est deux cigognes. Oui, alors, c'est une cigogne avec Yoshi. Cigogne qui livre les deux bébés. Et qui tombe un des bébés et qui se fait voler le deuxième bébé par Kamek. Ah, et du coup, il y a le Yoshi qui font le relais avec le premier bébé pour aller chercher le deuxième bébé. Ah, c'est Akira Mayumoku. Au château de Bowser. Alors qu'ils n'ont pas du tout l'adresse du château de Bowser. D'accord. Donc c'est pas grave, c'est Nintendo. C'est tout le monde a l'adresse du château de Bowser. Voilà, et une fois qu'ils ont les deux bébés, bah, ils vont les filer à Mario, alors qu'ils n'ont pas du tout l'adresse de Mario. Donc deuxième pitch. Alors c'est l'histoire, c'est un mec, un gamin qui c'est parle. L'histoire d'un mec. Il parle jamais, ouais. Il est muet. Et le mec il s'amuse à saccager des maisons. Et à passer la tondeuse dans le jardin des gens. Ah bah c'est du Zelda. Ah ouais. Tout ça pour pouvoir acheter des goodies, des trucs à la con. Mais faut trouver lequel maintenant. Il est accompagné d'une gamine avec un casque totalement chelou. Majora's Mark. Qui lui dit d'aller aux quatre coins du monde. Ah non, c'est avec l'elfe. Chaque fois qu'il va à un coin du monde, il visite des espèces de baraques pas très très accueillantes, avec des gens pas très gentils dedans. Et ils font tout ça pour choper plein de goodies. Goodies. Et à la fin, ils vont libérer une princesse. Ah bah c'est Twilight Princess. Exactement. Attends, comment tu sais qu'il libère une princesse? C'est pas ce qu'il fait à chaque fois. Mais non, parce qu'à la fin, en fait, ils vont dans le château de Ganondorf. Et là, il les libère. C'est là que tu as l'affrontement final avec Ganondorf. Et tu peux lui niquer la gueule avec la canne à pêche. Exactement. D'accord. Ce qui est encore plus improbable, parce qu'en fait il est comme ça, il est comme ça. C'est Twilight Princess parce qu'il est accompagné d'une gamine avec un casque chelou. C'est et après elle devient géante et il fait une taille humaine et tu fais ah ouais, t'es pas pareil que quand elle était petite quand même. J'aurais pu dire qu'il se transforme en loup, mais bon, ça aurait été trop facile. Bon, voilà. De toute façon, je l'aurais pas eu non plus. Il se transforme en loup, il est horriblement long. Pitch suivant, ça va être un peu plus compliqué. Ah. Alors, c'est l'histoire d'une espèce d'être de lumière qui se retrouve tout seul chez lui. Et du coup, il décide de se barrer de chez lui parce qu'il est au bout de sa vie. Et en fait, il va rencontrer l'esprit de la forêt qui va lui dire « Hey, il faut que je vais te donner des pouvoirs pour que tu rééquilibres l'ordre. » Parce qu'il y a le monde, en fait, il est plongé dans les ténèbres à cause de Piaf. Oula. Au Camille ? Non. Au Camille ? Non. Je l'ai pas. Non, toi tu l'auras pas. Ouais. Je pense que tu l'auras pas. Ouais, moi non plus. C'est sur quoi? C'est PC. Peut-être console aussi. Ah. Récent, 2015. Ouais. Ah oui. Un personnage de lumière. Un petit personnage de lumière. Ah, Ori. Ouais, Ori and the Blind Forest. Yep. Exactement. Je veux penser à ça aussi. D'accord, je connais le jeu qui est très dur apparemment. Très dur, vraiment. Enfin, ouais, je chiale dans les 5 premières minutes. Je sais qu'il y a des, il y a des passages où tu meurs. Il y a des passages un peu techniques. C'est un peu technique, mais c'est pas spécialement dur. Flo l'avait. Ah. Il avait quoi? Ori. Ori. Ah. Putain, mais des gens nous écoutent. Des gens nous écoutent et ils répondent et ils trouvent les bonnes réponses. Le prochain, c'est très rapide. Batman. Pac-Man. C'est l'histoire d'une fille qui demande à des inconnus de la kidnapper. C'est Mario. C'est pas Mario Ledesma. C'est l'histoire d'une fille. C'est très rapide, oui. Ah oui, c'est rapide comme pitch. Hein. Ico. Est-ce que il y a des chances que je l'ai ou pas? Non, je pense pas. C'est sur quoi? Je ne sais rien que je... Oula, c'est... Fun PlayStation. Hein? Ouais. Double dragon. T'es coquin, toi. Je pense pas ce que c'est. T'es coquin. J'ai pas de nol. J'ai pas le nol. Ah. Mais C'est pas très très compliqué comme nom. Hein. Save me. Final Fantasy. Non, c'est pas Final Fantasy. Si. Bah si. C'est Final Fantasy. Oui, c'est vrai. C'est Daga, elle demande à des mecs qu'elle connaît pas, vous pouvez me kidnapper? Oui, ça commence en plus, le tutoriel du 9 est juste magique en plus. Ça commence, il y a les mecs qui sont théâtre, non, ils sont là avec le théâtre volant, oui. Qui avait pour objectif de kidnapper la princesse, et en fait c'est elle qui leur demande de la kidnapper. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Et voilà. C'est logique. C'est phytalgique. Alors, pitch suivant. Alors c'est encore une fille. La merde. Elle est plongée dans le coma artificiel. Et puis elle se réveille vachement longtemps après, genre on sait pas trop quand, de manière un peu costaud quoi, c'est un peu brutal comme réveil. Fry de Futurama, Portal. Ouais. Et du coup, bah, on lui fait faire quelques exos tranquillou. Ouais, et après, on lui demande de ranger tout le bordel qu'il y a eu, parce que depuis qu'elle était dans le coma, il s'est passé plein de trucs quoi. Un Portal. Oui, le 2. Portal 2. Portal 2. Parce que dans l'œil, il n'y a pas d'histoire. Si, il faut tester des, ouais, c'est ça. Des trucs. Ce quiz va beaucoup trop vite, comme d'habitude. C'est bon, on a brodé juste avant. Alors, le suivant. Alors, je vais lire mon truc parce que je ne peux trop improviser. Alors, il y a fort longtemps, le monde a été peuplé par un puissant mage dont tous les rêves devenaient réalité. Mais le calme, il s'est brisé parce qu'il y a des créatures qui sont sorties du cauchemar du mage en question. Et qui, avant, elles étaient enfermées dans un souterrain et elles se sont échappées, quoi. Et donc, pour sauver l'univers, il demande à un mec de partir à l'aventure accompagné de son meilleur pote. Et donc, tous les deux, ils vont devoir essayer de ramasser plein de petit truc bizarre pour pouvoir libérer d'autres potes qui ont été capturés dans des cages. Rayman. Ouais, Origin. Exactement. Rayman Origin. Yeah. C'est les petits trucs dans les cages qui m'a... Ouais, moi aussi. Hein. Très bon jeu. Alors, le suivant. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se bat contre des zombies. Coluche. Non. C'est l'histoire d'un mec qui se bat contre des zombies. Mais en fait il est pas tout seul, il a sa copine avec lui, il a une fille avec lui qui fait de la magie. Et donc tous les deux ils vont buter le nécromancien en fait qui crée les zombies. Ouais. Et ensuite en fait le mec il se fait larguer par sa copine parce qu'il commence à devenir un petit peu fou et tout. Il commence à plus trop aimer ce qu'il fait. Du coup, bah, lui, il continue tout seul et il continue de son voyage en fait pour essayer de buter le mec qui avait envoyé le nécromancien. Donc, il va jusqu'au pôle Nord. Ok. Et du coup, là, il trouve un mec pas très très grand, plutôt petit même. Nicolas Sarkozy. Voilà, un peu plus grand qu'un lutin quand même. Ah non. Ouais, un truc comme ça. Un putain de lutin. Qui va l'aider à retrouver une relique un peu glauque quoi. Et en fait, du coup, le mec, il prend la relique et en fait, il se fait avoir parce que c'était un piège. Et il devient corrompu par la relique. Et du coup, il se met à buter tout le monde, même son père. Il retourne chez lui pour buter son père. Sous le Calibur. Non. On dirait Castlevania, Lord of Shadow. Mais c'est un peu, dans le 2, il y a un peu le même triptyque. T'as des propositions de Twitter hein. Si tu le dis, hein, c'est des propositions de Twitter. Non, le temps que ça arrive jusqu'à eux, déjà. J'avais Rayman pour avant, mais... Ah. Ouais. Donc, là, je vois pas, hein, franchement, ça me dit quelque chose, mais... j'aurais dit un Devil May Cry ou... Alors, le mec, c'est un prince, du coup. Prince of Persia. Non, il va pas buter son... Il bute pas des zombies non plus. Et en fait, sa copine, la fille, c'est une princesse qui fait de la magie. Qu'est-ce que je peux te dire Et donc ouais, le mec est même pas très grand, c'est un nain. Et la relique, c'est une épée. Une épée qu'il trouve au pôle Nord, quoi. Enfin, dans le loin au Nord, quoi. Ouais. Il a l'air un peu gelé. Au Nord, bien plus au Nord. au Schnorr. Je sais. Non, moi je sais pas non plus. Là. Le mec il s'appelle Arthas. Bon, mais voilà. WoW ? Oui. Non, Warcraft 3. Ah, oui. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc même avec ça. Ah oui, c'est vrai que ça devient le roi des corrompus. Le roi des corrompus des damnés, ouais. Oui, ça devient le roi. C'est pas lui le roi Lich ? Si. Donc la figue, c'est Jaina. Oui. Et l'épée, c'est Frostmourne. Ouais. L'épée maléfique. Oui, c'est vrai qu'on dit. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Alors, le pitch suivant. Alors, c'est un jeu, déjà, il est méga beau. Il est juste trop beau, le jeu. Oui. Et en fait, tu peux jouer soit un mec, soit une fille, tu choisis. Pokémon. Et les Sims. Et tu te bats à l'arme blanche. Les Sims. parce que ça se passe il y a longtemps, en fait, il n'y avait pas encore de pistolet et tout. Donc forcément, tu te bats avec est-ce que tu trouves chivalerie. Du coup, l'histoire, bah, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est pas la même selon si tu joues le mec ou la fille. Hein. Cluedo. Du coup. Arrête, il y a un film Cluedo. Le mec, il est amnésique et il essaie de comprendre pourquoi tout le monde essaie de le buter. Et la fille, en fait, bute tout le monde parce qu'elle est possédée par l'esprit, l'âme d'un guerrier sanguinaire, en fait. Qui s'est planté en fait, il voulait essayer de posséder quelqu'un d'autre et elle a une certitude sur le chemin et du coup c'est lui qui se trouve possédé. Je sais pas, Minecraft. Non, c'est pas Minecraft. SimCity. SimCity. Non, alors c'est Génération Wii comme jeu. Tu peux répéter Muramasa. Exactement. Mais oui, The Demon Blade. Mm. J'ai jamais joué. Et PS Vita, bien oui, mais là j'étais sur le Muramasa. Oh, j'étais pas sur le Rebirth. Moi je me respecte, je dis c'est le Rebirth. Alors, pitch suivant. C'est une ado qui en fait elle découvre qu'elle a les mêmes pouvoirs que la dague du temps de Prince of Persia. C'est le jeu de Dotnod. Le truc en 5 épisodes sur Steam. Ça. Mais c'est le jeu de Dotnod, c'est donc. Du coup, elle s'en sert pour bouger en cours. La fille aux cheveux bleus, aux cheveux roses. Et en fait, elle retrouve sa copine qui est devenue émo un peu, entre temps. Elle est émo. Donc elle a les cheveux bleus, en effet. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Bleus, c'est être émo, pardon. Oui. Oui. Enfin, genre, t'as les pointes bleues et t'es émo, voilà. Je suis pas émo, arrêtez. C'est un autre pitch, hein, voilà. Ah, il dirait qu'il est pas bien. Et du coup, toutes les deux, elles vont enquêter sur la disparition d'une fille qui était la pote de Lemo, en fait. Ouais, mais le trou de mémoire. Hein. Le titre du. Moi, c'est pareil, trou de mémoire, le titre du film. Le titre du jeu, pardon. Pourquoi je pourrais l'avoir ? Je sais pas si tu peux. Ah, il a bien marché. Hein, je vais regarder dans la bibliothèque Steam. Je l'ai dedans, mais. La fille, la gamine, c'est une photographe, elle fait des études de photos. Oui. Oui, mais c'est un jeu de Dotnod, je sais. Oui, c'est un jeu de Dotnod. Exactement. On a tous, en fait. On a tous, sauf le titre. Sauf le titre. Je peux même te dire qu'il y a un chez Marcus dessus. Oui, c'est vrai. Et je peux même. Avec le passage de l'oiseau qui rentre dans la chambre et qui. Oui, Life is Strange. Ouais. Merci Flo. Merci. Bien joué Flo. Ah, il est sur Linux en plus maintenant, je peux y jouer. Oui, non, mais je l'avais. Je peux y jouer en respectant. Comme nous connaissez. Voilà, oui, je connais. Je connaissais quelqu'un qui jouait. Ouais. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je me suis fait spoiler la fin d'elle. Mais... bah, il y a pas de. De toute façon, la fin. Enfin, si, oui. Il y en a deux, mais il y en a qu'une en fait. Il y en a une, c'est une fausse fin. C'est la fin en carton. Il y a la fin en carton et la vraie fin. Non, moi, j'ai joué le premier quart d'heure, alors. Alors. T'es loin d'avoir fini. C'est ça. On passe au dernier. C'est ton bien. Oui. Alors c'est un jeu où il y a un mec qui peut courir sur les murs et tout. Faut que je finisse pas bien. Il est Assassin's Creed. Et tu te bats contre des mecs qui sont genre CRS quoi. Et ils courent sur les murs aussi les CRS. Est-ce que c'est CRS égale détresse? Et en fait il y a une fille super douée comme toi qui te dit un petit peu quoi faire, qui te dirige un petit peu dans le jeu pour te dire ouais là, tu devrais faire ça, là tu vas faire ça. Genre comme Navi quoi. Picsou. Ouais, un peu dans ce style-là. On dirait le speech de Prince of Persia. Et du coup, de temps en temps, tu vas voir un mec pour... un tatoueur, quoi. Un mec, un tatoueur. Ah, Mark of the Ninja. Exactement. Ah, le coup du tatouage. Yep. Tu vas voir chez un tatoueur traditionnel pour te faire des super dessins qui te rendent de plus fort. Et un peu plus fou Sauf aussi. Que ça te rend un peu plus fou aussi. Voilà. Voilà. Tu fais des dessins maoris. Et après, tu fais le caca. Tu fais le caca. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous en avez. Non, si vous avez des idées de pitch à peu près. Alors, il est rond. Pac-Man. Mais oui, c'est moi, Pac-Man. Il est rond comme un ballon. Il est jeune comme un citron. C'est Pac-Man. Merci, William, l'énergie qui étranglait des gens. Parce qu'il me reste un peu de bière. Ah, bah aussi, moi ça fait une belle lurette que c'est. Il faut finir le verre avant d'attaquer le deuxième. Mais toi, t'as pas fait de. T'as rien présenté. C'est vrai. Ouais. J'ai fait le community manager. Oui, bah. Enfin, excuse-moi, mais les réponses, c'est moi qui les ai. Ouais. Même à ce niveau-là, c'était nul, hein, franchement. Elle a un meilleur réseau que le tien. C'est vrai. Mes followers sont meilleurs que les tiens. T'es dans ta jalousie. Po. Je suis dans mon jacuzzi. Vous en cassez de l'apéro, brrr. Du coup, c'est terminé, je pense. Oui. Ah oui, bah enfin, ah oui. Moi, je sais pas, c'est toi qui. C'est vrai qu'il y a la Zikmu. Il y a la Zikmu, c'est quoi la Zikmu aujourd'hui? Je lance tout de suite. Oui. Tu présentes pas un peu la musique? C'est quoi qu'on va écouter? Je la présente. Attends. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. De toute façon, le jingle est terminé. Ah, j'ai rien entendu non plus. Bah, moi j'ai entendu. Ah, d'accord. Bon, bah alors. C'était bien le jingle. Voilà. Merci. C'est très bien, il est toujours aussi beau. Je le trouve aussi toujours aussi pertinent. Donc. Attends, je finis ma cacahuète. Vas-y, et je vais liker les tweets de Flo. Ouais. Et donc. Il va liker les tweets de Flo. Enfin, c'est je vais vous présenter un artiste peu connu, mais pour de vrai. Donc, c'est Saphir Nou. Saphir Nou, il fait de la musique sur Bandcamp. C'est son premier album, je pense. C'est ce que j'en ai vu. C'est de la musique sous Creative Commons, ça me fait encore plus particulier. Et c'est très très beau. Oui. C'est du free jazz à peu près, je pourrais qualifier ça comme ça à peu près. Sur un certain morceau, ça n'est pas les morceaux. C'est du jazz. Ouais, mais du free jazz. C'est un peu, voilà. Ça fait pas trois quarts d'heure de jazz, n'attends pas. Ça, la voilà gamine. Et donc, c'est le dernier morceau de l'album qui s'appelle Groundless, qui se trouve pas très cher sous Bandcamp. 5 euros, je crois, il vaut à peu près. Ça les vaut 40 fois. Et là, on va utiliser Bado, c'est le dernier morceau. Et c'est Diary from The Groundless Land. Et l'album, donc c'est Groundless. Oui. Bah, du coup, on va se dire au revoir là-dessus. Puis, voilà. Bah, gros bisous de Jambier. Je fais au revoir de la main, mais ça se voit pas. Hein. Ouais. Gros bisous de Jambier. À bientôt. Papouille. Ciao.